s'éloigner de tout, s'éloigner de vous, s'éloigner de nous, s'éloigner de tout, tout ce qui semble être, s'éloigner de tout, s'éloigner de tout, tout ce qui semble être, s'éloigner de vous, s'éloigner de nous, s'éloigner de tout, s'éloigner de tout, tout ce qui semble être. S'éloigner de tout, de tout ce qui peut sembler être, trop chercher ce que l'on ne devrait pas, finit par écœurer ce que l'on voit. De l'eau aura coulé sur ton front, je me serai assoupi au pied de ce grand arbre plein de regrets. Je serai là à voir dans le feuillage les ombres qui m'évitent. Le temps seront passés, les tempos trop usés, et d'autres bien après auront cru exister mes muscles, l'écrivain. Ils continuent la danse, mes muscles, l'écrivain. Mes musclés, musclés, musclés, ah ah, musclés, musclés, musclés, ah ah. I wanna share with you, I wanna need something, I wanna follow you, ah. The need of people, no change of way, I got a feeling, so shame, I don't feel funny, I don't so hey, hey, hey, oh, oh, oh, oh. Muscle l'écrivain, il continue la danse, mais muscle l'écrivain, il continue la danse, il continue. La danse, ah ah, même fatigué, même brisé, il continue jusqu'au souffle dernier. Oh oh, oh oh, à croire en l'oracle, à croire à la prophétie que leurs âmes seront sauvées, à contre-jour de ton cœur, à contre-jour. À contre-jour, à contre-jour, j'ai perdu ma lueur, oh oh. À contre-jour, le contour, à contre-jour, le soir, le sauveur, oh oh, oh oh, oh oh. Il pensait y arriver, tout ce poids sur deux bras, le navire, les hélicos, les chars d'assaut, le muscle et l'écrivain, il continue la danse, il continue la danse, le musclé, hey hey, le musclé, ah ah. Les années sont passées, ton regard jamais, nos rêves envolés, que des chaînes à nos pieds, et là, et là, là. Ah ah, ah ah, et là, ah ah. Si toi je ne regardais ta vision, tes projets, ce que tu es, où tu en es, rien, et ce qui reste de tes projets, c'est là, oh là. Ah ah ah ah ah. évolue dans un sans se poser. Et puis là, là là, et puis là, là là, tout ce qui te raccrochait, tout ce qui pouvait te guider au fil du temps ont déserté, tu es tout seul. Se lasse, que la vie nous dépasse, trouvons-nous avant de perdre la face, la face. Ah, ah. Et si on marchait comme une évidence, et si on en voulait encore, oublions les jardins maudits. Sans estime, avec de l'ange. bête. Pourquoi la faire souffrir, souffrir, être dans une condition d'écœurement de soi et sourd, ne pas sentir que l'on tombe encore plus bas et que très souvent on ne s'en relève pas. On est un, se faire manipuler par son autre, on est milliards et souvent près de soi, tellement près. Personne ne le voit, ne le voit. Ah ah ah ah ah ah ah. J'aime le nom, j'aime la foi. Quand dedans je m'inonde, quand dedans je m'inonde, peu à peu ça me saoule et j'oublie d'être moi. Tous ces regards, ces vises, tous ces qui se croisent, bousculent, bousculent, se bousculent, tout ce monde, comme si ils n'existaient pas. J'entends le salut qui traverse la foule. Plus le chiffre est nombre, plus les nombres sont soi, et plus être soi, c'est être seul, être seul dans la foule, c'est être là. Un jour, peut-être on se retrouvera, car je t'aime alors, je serai là. Voyons pour te faire grandir auprès de moi, croire en un seul chemin. La voix, ne plus se faire appel vers le bas, nous laisse enfin libre de nos choix, condamnés par il t'aimait, oh condamné par les chiennes, tu sais, il t'aimait, les amours multipliés, aimé plusieurs fois, et la neige brise glace, et les sentiers jusque-là, de quoi avait-il l'air quand il l'a embrassé, de quoi avait-elle l'air quand elle l'a refusé, puis mis de l'eau. Son front quelquefois à contre-jour, son cœur il a perdu sa lueur à contre-jour, ses heures elle a refusé, son bonheur s'éloigner de vous, s'éloigner de tout, s'éloigner de nous, s'éloigner de tout, s'éloigner de tout, de tout, de tout, ce qui peut sembler être, s'éloigner de vous. S'éloigne de tout, s'éloigne de nous, s'éloigne de tout, s'éloigne de tout, ce qui peut sembler être, ce qui peut sembler être.